si je marcherai dans la vallée de l'au-delà, je viendrai me prosterner au pied du roi des rois, celui dont nous sommes tous les enfants, Dieu Tout-Puissant. Lorsque je marcherai dans la vallée de l'au-delà, je viendrai me prosterner au pied du roi des rois, celui dont nous sommes tous les enfants, Dieu Tout-Puissant. Quoi que tu fasses, où que tu passes, tu laisses inévitablement ta trace. Quoi que tu dises ou accomplisses, préserve ton âme à l'abri du vice. La vie est un désert parsemé d'oasis, où se cachent par milliers à l'affût des serpents. Tu t'y les suis sans cesse, car vainqueur tu glisses pour croquer dans le fruit d'antan. Tu monteras sûrement alors au détriment d'autrui, en haut, tout en haut et même au plus haut de l'échelle. Mais je pense pas que ce chemin soit un raccourci vers l'éternel. Lorsque je marcherai dans la vallée de l'au-delà, je viendrai me prosterner au pied du roi des rois, celui dont nous sommes tous les enfants, Dieu Tout-Puissant. Lorsque je marcherai dans la vallée de l'au-delà, je viendrai me prosterner au pied du roi des rois, celui dont nous sommes tous les enfants, Dieu Tout-Puissant. Sois sage, sache lire les messages, les signes parlent bien plus que tous les bavardages. Sois sage, tout un mauvais présage, aucune sorcellerie provoque les orages. Regarde l'éclaircie qui perce les nuages, et vois comment la lumière se propage. Œuvre pour le bien ainsi lors de ton passage, tu pourras être fier de te présenter comme son image. Alors son sourire sur son visage sera pour le livre de ta nouvelle vie la plus belle des premières pages. Lorsque je marcherai dans la vallée de l'au-delà, je viendrai me prosterner au pied du roi des rois, celui dont nous sommes tous les enfants, Dieu Tout-Puissant. Lorsque je marcherai dans la vallée de l'au-delà, je viendrai me prosterner au pied du roi des rois, celui dont nous sommes tous les enfants, Dieu Tout-Puissant. Chaque qui tient dans les mains de celui qui trône, le meilleur des rois, c'est le roi en bon lequel je prône. L'amour et l'unité sont les joyaux de sa couronne. Son royaume a un peu prospère, flore et faune. Cesse de croire que les malheurs, c'est lui qui les donne. Sa sainte armée combat la ville, armée des mônes. Garde la foi, soutiens-la en joignant tes mains. Alléluia, c'est notre force pour Dieu Tout-Puissant. En haut, ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Judas. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses sceaux. Et si je pars plus tôt, rejoindre le Très-Haut, pas de pleurs, chanter plus tôt, tous en cœur, je crois très haut. Je viendrai me prosterner au pied du roi des rois, celui dont nous sommes tous les enfants, Dieu Tout-Puissant. Lorsque je marcherai dans la vallée de l'au-delà, je viendrai me prosterner au pied du roi des rois, celui dont nous sommes tous les enfants, Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant.